à la base, c'est rendre positif ce qui est négatif. C'est ça l'hip-hop. C'est ça que j'ai appris quand j'étais petit. Dis-moi qui va parler, qui va se taire. Y croire qu'il t'a parié si l'asperce, si loin d'y voir clair. On visera même la lune. Miroir, dis-moi qu'est-ce t'en penses. Dis-toi vers la cible, on évitera qu'il t'empêche d'entendre. Bah, dis-moi qui va parler, qui va se taire. Y croire qu'il t'a parié si l'asperce, si loin d'y voir clair. On visera même la lune. Miroir, dis-moi qu'est-ce t'en penses. Dis-toi vers la cible, on évitera qu'il t'empêche d'entendre. Hey, attristé, je marche en traînant le pas. Laisse le temps se couvrir. J'aime quand la nuit tombe et que les gens soupirent. J'en oublie mes carences, tout de suite et maintenant. Englouti des barrettes sans feindre de m'endormir. Alors écoute ce qui se dit, faut pas que t'aies de doute visible. Tu parles d'être une gâchette, mais tu tires des cartouches vite, fils filon. D'ici j'ai l'impression d'être invisible. Roule un petit spliff et décale, la pression s'éteint si vite. Prenant le calme autant que la tempête. T'avais le temps de t'avouer les choses, maintenant faut pas t'en faire. Souligner ses absences, oublier que c'est pas tant toi le fautif. Roupiller très vaguement et soupirer mille fois pour qui. Souriant à la douleur, l'ombre m'est chère. J'ai souvent laissé choses se faire, mais bref, je t'en perds mes carences, mes faiblesses. Apprendre mes défaites, crache le poison sur ces déchets, fais-les sécher. Dis-moi qui va parler, qui va se taire. Y croire qu'il t'a parié si l'asperce, si loin d'y voir clair. On visera même la lune. Miroir, dis-moi qu'est-ce t'en penses. Dis-toi vers la cible, on évitera qu'il t'empêche d'entendre. Dis-moi qui va parler, qui va se taire. Hein? Dis-moi qui va parler, qui va se taire. Dis-moi qui va parler, qui va se taire. Dis-moi qui va parler, parler. On parle mais souvent les actes pèsent bien plus lourd que les mots. Les yeux injectés de sang et le cœur bouffé par les remords. Ils m'ont dit qu'on était les mêmes, je ne veux pas leur ressembler. Je passe mon temps à tourner en rond, il faudrait se recentrer. Je suis allé tout en bas et j'ai étouffé sous la pression. Je parle avec le cœur, moi je parle avec des frissons. Je passe mon temps à douter, c'est plus ce qui m'attire. Quand on me demande qui veut partir, je suis le premier sur la liste. Remballe tes bêtises, remballe ton buzz. Tout ce que j'ai c'est le pouvoir de rester humble. Droit dans mes pompes mais du coup s'il peut me suivre. Laisse-moi 2-3 années, je vais les shooter à ma guise. Si tu n'y croyais pas promis on trinquera à la tienne. J'aime son odeur, pourquoi sortir de la merde. La route est longue, ils ont caché les clés de la réussite. Chaque fois que le doute m'emporte, mes démons ressuscitent. Dis-moi qui va parler, qui va se taire, hein. Dis-moi qui va parler, qui va se taire. Dis-moi qui va parler, qui va se taire. Dis-moi qui va parler, parler. Dis-moi qui va parler, qui va se taire. Y croire qu'il t'a parié si l'asperce, si loin d'y voir clair. On visera même la lune. Miroir, dis-moi qu'est-ce t'en penses. Dis-toi vers la cible, on évitera qu'il t'empêche. Qui va parler, qui va se taire, j'ai mes barres d'ombre. Ce soir bavard au bar avec mes démons. Fallait qu'on se casse la voix énième fois. Faire les constatations car c'est bien beau tirer une croix. Sois-en sûr, on a choisi d'avoir le choix. Pas de censure, on se réveillait la gueule de bois. Je suis seul mais il faut dire que le cœur est froid. C'est bien trop illogique, il me demande d'y croire. La main sur stylo bic prétend écrire l'histoire. J'ai pas changé depuis tout ce temps. J'oublie mes relations en coup de vent. On se prend la tête et pourtant. Qui va parler, qui va se taire. On se demande souvent si ça va le faire. Mais y'a peu d'engouement, je m'arrête à perte. Il faut dire qu'on a pas cessé d'avancer. Oui, on a freiné l'inventaire, oui, j'ai préféré l'inventer. Merde. Dis-moi qui va parler, qui va se taire. Y croire qu'il t'a parié si l'asperce, si loin d'y voir clair. On visera même la lune. Miroir, dis-moi qu'est-ce t'en penses. Dis-toi vers la cible, on évitera qu'il t'empêche d'entendre. Dis-moi qui va parler, qui va se taire. Hein? Dis-moi qui va parler, qui va se taire. Dis-moi qui va parler, qui va se taire. Dis-moi qui va parler, parler. Qui va parler, qui va se taire. S'approprier le rôle du casting façon Fred Astaire. Merde, les scripts te blessent quand l'auteur est blessé. L'équipe te pèse quand la chance est laissée. J'étouffe, c'est tout milieu de bourge et de pouf. Je découvre à mon tour qu'il faudra serrer les coudes. Exceller dans le doute pour essuyer les coups. Beaucoup parlent d'enjeux mais peu nombreux écoutent, je redoute. Les portes closes autant que celles qui s'ouvrent. Les micros closes au bas des contrats qui nous piquent des sous. Des sautes méga alors que ceux-ci sont tenaces. Nous soultard le soir comme le vacarme d'un T-Max. Au quart de tour je démarre, mon succès je le démarche. C'est naze de voir que la route sera courte si je dérape. Dégage, c'est ma course que j'entame. Mais pense à pour moi l'idée de devoir laisser ma place. Dis-moi qui va parler, qui va se taire, hein. Dis-moi qui va parler, qui va se taire. Dis-moi qui va parler, qui va se taire. Dis-moi qui va parler, parler. Dis-moi qui va parler, qui va se taire, hein. Dis-moi qui va parler, qui va se taire. Dis-moi qui va parler, qui va se taire. Dis-moi qui va parler, parler. Je ne vais pas faire exprès de faire le voyou pour vendre à des petits qui rêvent d'être des voyous.